Chapitre 3e. 5 jours plus tard, c'était un dimanche, elle prit le tramway pour Dimmerburg. Le bourg est construit sur le polder et n'offre guère d'intérêt aux promeneurs. Elsa n'eut pas grand-peine à découvrir la villa que gardait Wiggins. Elle s'arrêta devant la grille et contempla rêveusement le jardin aux lignes géométriques. Le frileux printemps du nord était venu et le parfum des jacinthes de pleine terre embaumait le soir. Un grand ciel rose, mouvementé, nuageux, d'une beauté vivante, laissait tomber sur le jardin une lumière mordorée. « Vous désirez quelque chose, madame ?» fit une voix rude. Elsa tourna la tête et dit avec une expression de vive surprise « Monsieur Wiggins, vous habitez donc ici ?»« Ah Dieu, c'est vous, madame !» fit Wiggins étonné. « Oui, je suis venu respirer un peu hors de la ville, » dit Elsa. « Je me sens légèrement lasse, d'ailleurs. Où pourrais-je me reposer ?» « Si vous voulez bien entrer un instant chez nous, » dit le colosse avec un peu d'hésitation, « et accepter quelque chose. » « Mais avec plaisir, » fit Elsa gracieusement. Elle entra. Madame Wiggins était là avec ses 4 enfants. Elle salua timidement Elsa, lui fit place au coin du feu. Elle avait l'air dolente d'une chienne battue. Elsa accepta une tasse de thé, fuma une cigarette, donna quelques florins aux enfants pour qu'ils puissent acheter des bonbons. Et quand elle partit, Wiggins la gratifia d'un gros bouquet de jacinthe odorante qui l'enveloppa, afin qu'elle ne tachât pas sa robe dans un vieux journal. Le lendemain, Elsa se présentait au président du syndicat. 2 hommes très robustes l'accompagnaient qu'elle présenta au richissime personnage. « 2 des meilleurs inspecteurs de la police de sûreté, » dit-elle, « Monsieur Van Duck et la vieux Sins. Pouvez-vous les cacher tout près d'ici ?»« Oui, là, dans mon cabinet de toilette. » fit le président. « Mais est-il indiscret de vous demander pourquoi ?»« Vous le verrez tout à l'heure, » répliqua Elsa. « Pouvez-vous maintenant faire appeler Joseph Wiggins ?» 5 minutes plus tard, le colosse, appelé par téléphone, se présentait dans le bureau. Il salua Elsa, puis le président du syndicat, et attendit qu'on l'interrogeât. « Monsieur Wiggins, » dit Elsa de sa voix la plus douce, « je désirais savoir ce que vous avez fait, premièrement, du vieux cachet de Monsieur Bershot. Deuxièmement, du groupe qui vous a donné pour réparer votre pompe. Troisièmement, de la valise de cuir noir verni que vous avez achetée au magasin de Hart et Wiener. » Wiggins, blême, recula. Un juron sourd sortit de sa gorge. Et tout à coup, avec la rapidité de l'éclair, il saisit sur le bureau du président un pesant cube de cristal de roche qui servait de presse-papier et à tour de bras le lança rudement à la tête de la jeune femme qui, atteinte au-dessus de l'oreille gauche, chancela et tomba. Mais à la même seconde, les 2 policemen, jaillis du cabinet de toilette où on les avait cachés, se ruaient sur la brute qui, écumante, les yeux hors de la tête, se défendit avec rage en éructant des menaces, des injures et des blasphèmes. Elsa, pourtant, se raidissant contre la douleur et le vertige, se relevait, tirait un Browning de sa poche et le braquait sur l'homme. « Sage ! » cria-t-elle, « ou je vous brûle !» L'homme, devant la terrible petite gueule noire, céda tout à coup et tremblant de tous ses membres, dut s'asseoir, pendant que la courageuse jeune femme, avec son mouchoir, étanchait le sang qui coulait de sa blessure. Toute cette scène, si violente, n'avait pas duré plus de 5 minutes. Sidéré, le président du syndicat, renversé dans son fauteuil, les mains jointes et les yeux écarquillés, contemplait tour à tour Elsa, qui souriait un peu crispée, Wiggins anéanti et les 2 policiers impassibles. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » soupira-t-il enfin. « Cela veut dire que votre voleur est bouclé, qu'il s'est dénoncé lui-même, que j'ai les preuves de sa culpabilité et que je vais vous dire comment il s'y est pris pour égarer les soupçons. Mais d'abord, Wiggins, vous reconnaissez-vous coupable ou non coupable ?»« Coupable, » dit Wiggins, qui la tête basse ajouta. « Ayez pitié de moi, pitié de mes enfants. J'étais tenté. Ne nous perdez pas tous, s'il vous plaît. » 1 minute d'égarement, et j'ai rayé 20 ans d'honnêteté de ma vie. 1 minute d'égarement qui dure 6 mois. C'est 1 minute un peu longue, dit Elsa, car vous avez commencé à préparer votre coup quand votre cousin Niklaus Wiggins est revenu d'Amérique. C'est à ce moment-là que vous avez volé le cachet du bon Monsieur Bershot. À ce moment-là encore, que vous avez acheté du cuir, des haleines, du fil poissé pour faire par votre cousin le cordonnier, un groupe neuf, sur le modèle du vieux groupe hors d'usage que que Vergeotte vous avait donnée pour réparer votre pompe. Est-ce vrai ? » Biggins regarda Elsa d'un air hagard. « Oui, c'est vrai, » dit-il enfin. « Bien, je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous rectifierez mes fautes si j'en commets, mais je voudrais qu'on fît venir M. Van Rossler et Vergeotte.